Toyota. Eh, hey, t'as vu ? On a passé plus de 50% du temps de trajet en électrique. Et oui, je sais chérie, tu me l'as répété pendant 50% du temps. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez essayer la Toyota Yaris Hybride pendant les essais extraordinaires et profitez-en à partir de 179€ par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end. Toyota. Temps de trajet, étude Drive Eco mai 2022. Yaris Hybride Dynamique, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 350€, prime à la conversion déduite. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Imaginez une société de plusieurs milliers d'individus, chacun cantonné à un rôle précis qui évolue en fonction de son âge, chargé de construire leur habitat, de nourrir leurs dirigeantes, de coordonner la collecte de nourriture, la reproduction, la défense du collectif, le tout en étant tout le temps parfaitement coordonné. Et avec pour chaque individu un cerveau de seulement un petit million de neurones, là où nous autres humains en avons plus de 100 milliards. Si vous ajoutez à ça que ces sociétés sont en charge de la pollinisation des plantes à fleurs et qu'en plus elles savent compter, comment ne pas être fasciné par les abeilles ? L'abeille rôde, c'est le programme social qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour décrypter ce titre bien mystérieux et surtout nous expliquer comment s'organisent, communiquent et vivent ces hyménoptères fascinants, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julie Carco. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Saclay au laboratoire Évolution, Génome, Comportement, Écologie à l'Institut IDEV. Et vous serez, nous l'espérons, rejointe dans peu de temps par Aurore Avarg-Weber, chercheuse en éthologie cognitive et spécialiste de la cognition des abeilles au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à Toulouse et qui est pour l'heure un peu perdue dans les tuyaux, mais nous ne désespérons pas de réussir à la retrouver. Mais on commence en tout cas, comme chaque jour, par celle qui butine chaque jour l'actualité scientifique pour nous en apporter le nectar. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal, Natacha, avec la mission Capstone de la NASA qui a une nouvelle date de lancement. Cette mission, c'est la première étape du programme Artemis de la NASA, le grand retour de l'être humain sur la Lune. Alors, dans le cadre de ce programme, la NASA prévoit la construction d'une station lunaire habitée, en orbite, le Lunar Gateway, qui doit servir de point relais à partir duquel on pourra se rendre à la surface ou rester en orbite. C'est très différent du programme Apollo des années 60. Là, on assiste à la mise en place d'une occupation sur le long terme. La difficulté dans cet espace cislunaire, c'est de trouver une orbite adéquate. Il faut être sûr qu'il s'agisse d'une orbite stable. Donc la mission Capstone, c'est une mission de repérage à moindre coût. Il s'agit d'un petit satellite, de la taille d'un four, qui sera lancé par une fusée produite par Rocket Lab, une entreprise du New Space. Après de nombreux reports, le lancement devait avoir lieu aujourd'hui. Il est finalement prévu entre le 13 et le 22 juin. Xavier Pascaud est directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique et spécialiste des questions spatiales. Cette orbite, elle a la particularité d'avoir toujours la Terre en visibilité. Alors elle est très excentrique, c'est une orbite qui passe à un peu plus de 1000 km au périgée, un peu plus de 1000 km au-dessus de la surface de la Lune et près de 70 000 km, je crois, à l'apogée. On n'a jamais vraiment fait ça autour de la Lune. On a des sondes qui orbitent, mais dans la perspective d'occuper la Lune, de créer un peu ce relais logistique, il faut vraiment avoir une sorte d'expérimentation qui permette de tester certaines orbites, bon, d'autant que on est dans une configuration un peu particulière pour l'orbite lunaire. Donc voilà, c'est un peu une répétition générale. Et puis ensuite, on va tester à la fois la pérennité de l'orbite, on va tester la capacité de ce satellite à être tout le temps en visibilité de la Terre aussi, pour qu'il y ait une communication qui soit possible. Et puis on va tester aussi une capacité à avoir une navigation très précise, une localisation très précise du satellite en utilisant un autre satellite qui est autour de la Lune, qui s'appelle Lunar Reconnaissance Orbiter. Voilà, donc on teste tout un tas de choses qui, en fait, a priori, l'objectif, de préparer une forme d'autonomie de toute cette logistique lunaire, finalement. La difficulté, c'est de trouver la bonne orbite pour la station spatiale, qui sera donc la fameuse Lunar Gateway, qui sera mise en orbite autour de la Lune, parce que il y a un problème physique un peu particulier, qu'on appelle le problème des trois corps, que les astrophysiciens, les spécialistes de mécanique spatiale connaissent bien, qui est de trouver finalement le bon équilibre entre, on va dire, une orbite autour de la Lune qui est elle-même influencée par son orbite autour de la Terre et par la relation gravitationnelle avec la Terre. Donc tout ça, aujourd'hui, avec le satellite lui-même, crée une combinaison de contraintes qui fait que mathématiquement, c'est très compliqué de bien identifier la solution pour que on ait au bout du compte une orbite qui soit stable. Donc ça, c'est vraiment la mission première, c'est quand même de tester un peu une solution orbitale, un peu originale, et qui a été trouvé par la NASA, qui s'y est mise depuis quelques années. Il y avait vraiment au sein de la NASA donc des gens qui réfléchissaient à la meilleure orbite, et donc là on va vraiment la tester. C'est une vraie mission, j'allais dire, scientifique en fait, au-delà du programme lunaire lui-même, c'est une mission un peu de vérification des modèles théoriques. Voilà, et pour tout savoir sur ce vaisseau Capstone, eh bien, comme d'habitude, on vous poste des liens vers les études sur notre fil Twitter, @lamethodefc, et liens que vous pourrez retrouver sur le site de l'émission à la page du jour sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Viruses, un nouveau coronavirus, chouette, a été identifié chez les rongeurs. Entre 2015 et 2017, des virologues suédois ont analysé 450 campagnols roussâtres, une des espèces de rongeurs les plus répandues en Europe. Ils ont identifié un nouveau bêta-coronavirus, qui a été baptisé le virus Grimso. 3,4% des rongeurs de cette cohorte en étaient porteurs, ce qui suggère que ce virus est répandu chez les campagnols roussâtres et que cette espèce est un réservoir viral. Alors il n'y a pas eu de saut d'espèce, aucun humain n'a contracté le virus et on sait peu de choses de sa virulence. Néanmoins, selon les auteurs, il est important de continuer à surveiller ce coronavirus parmi les rongeurs sauvages. Une étude parue dans la revue Science Robotics décrit la création d'une e-skin, une peau électronique d'un nouveau type. Oui, une peau électronique capable d'apprendre et de, entre guillemets, ressentir la douleur. Alors pour imiter l'organe le plus grand du corps humain, ces roboticiens britanniques se sont inspirés du système nerveux périphérique. Ils ont développé une grille de 168 transistors synaptiques, fabriqués à partir de nanofils d'oxyde de zinc, étalée sur une surface flexible qui a été montée sur une main artificielle, elle aussi équipée de capteurs cutanés. De cette façon, l'e-skin a été capable de faire la différence entre un toucher léger et un toucher lourd. Grâce à l'apprentissage associatif, cette peau pourrait progressivement acquérir un réflexe de douleur semblable au nôtre. Selon les auteurs, ces travaux seraient une percée pour la robotique tactile et pourraient être une base pour perfectionner les prothèses. Et pour finir, grâce à une étude publiée dans la revue Molecular Biology and Evolution, nous savons enfin comment les termites ont envahi le monde. Oui, leur conquête du monde a commencé par la mer. Une équipe japonaise s'est intéressée à l'histoire évolutive des termites de bois sec, la deuxième plus grande famille de termites que l'on trouve un peu partout sur la planète, dans les régions tropicales et subtropicales. Les chercheurs ont ainsi séquencé l'ADN de 120 espèces différentes qu'ils ont comparées avec les analyses de termites fossilisées. Il se trouve que ces insectes ont traversé les océans au moins 40 fois au cours des 50 derniers millions d'années. Après un voyage en mer, à bord d'une branche de bois flotté dans lesquelles elles peuvent nidifier, c'est une fois arrivées sur un nouveau continent qu'elles se sont ensuite diversifiées en de nouvelles espèces. Merci Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Une étude toute récente, publiée le 29 avril dernier, montre que les abeilles peuvent faire la différence entre les nombres pairs et impairs. Ajoutez à cela que l'on sait aujourd'hui qu'elles peuvent compter jusqu'à 5, reconnaître les quantités, classer les chiffres du plus petit au plus grand, comprendre le zéro et faire des débuts d'addition et de soustraction. Si vous ajoutez encore à cela l'ensemble des tâches coordonnées, Capis mellifera, l'abeille mellifère qui vit en ruche, est capable de faire en allant jusqu'à des capacités de prise de décision collective ou de réorientation de la production d'individus en fonction des besoins du groupe. L'envergure cognitive de ces petits hyménoptères est assez vertigineuse et les chercheurs ne s'y trompent pas depuis déjà bien longtemps. Écoutez notre archive du jour, nous sommes sur la radiodiffusion française en octobre 1961. Nous voici devant une exploitation apicole. Attrapons une ouvrière qui se prépare à rentrer à sa ruche et marquons-la d'une tache de couleur. Nous l'enfermerons ensuite dans une boîte, puis nous la libérerons à quelques distances de sa ruche. Aussitôt libérée, l'abeille, reconnaissable à sa marque, retourne à sa demeure en quelques minutes. Ce sens de l'orientation si remarquable n'est cependant pas inné ni sans défaut. Il arrive que des abeilles s'égarent si elles s'aventurent trop loin. Il arrive aussi qu'elles essaient d'entrer dans une ruche qui n'est pas la leur. Elles se heurtent alors aux gardiennes et des combats acharnés s'engagent. Comment les abeilles s'orientent-elles ? Les abeilles utilisent, pour se reconnaître à faible distance, la vue et l'odorat. Pour s'orienter au loin, elles se guident sur le soleil et elles disposent d'un système de communication qui leur permet de signaler aux autres habitants de la ruche la position d'un lieu intéressant à visiter pour la nourriture qu'il contient. Grâce à la vue, les abeilles distinguent les formes et les couleurs. Leur vision de la forme des objets est cependant beaucoup plus rudimentaire que la nôtre. Elles sont incapables de distinguer un cercle d'un carré, mais elles séparent facilement un cercle d'une croix. Comment les abeilles voient-elles les couleurs ? Si l'on place sur une table une feuille de papier bleu, recouverte de quelques gouttes de miel, les abeilles ne tardent pas à venir en nombre. Mais il ne faut pas croire que la vision des couleurs chez les abeilles soit la même que chez l'homme. D'autres expériences, ayant le même principe que celles que nous venons de décrire, permettent de conclure que l'abeille ne distingue que quatre couleurs : le jaune, le bleu-vert, le bleu et l'ultraviolet. Voilà cette archive donc de 1961. Qu'en pensez-vous ? Comment l'entendez-vous aujourd'hui, bien plus de 60 ans après cette publication originale, Julie Carco ? Bien, je pense que ça montre bien à nos auditeurs que l'abeille est exceptionnelle en fait. C'est un petit insecte qui arrive à réaliser des prouesses en fait avec finalement un tout petit cerveau. Vous l'aviez mentionné d'un petit millimètre cube, à peine un million de neurones, et elle arrive voilà à faire des prouesses, à reconnaître différentes formes, différentes couleurs, à communiquer. C'est tellement incroyable et ça explique certainement pourquoi ça fascine, je pense, tout le monde et puis bien évidemment la communauté scientifique. Aurore Varg-Weber, que je salue et que nous avons réussi à retrouver après quelques minutes égarées dans les canaux. Bonjour à vous, que pensez-vous et votre réaction à cette archive ? Bonjour. Oui, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même un peu progressé depuis cette période, puisque notamment, voilà, sur la perception, donc la perception des formes. Maintenant, on sait qu'elles savent percevoir des formes beaucoup plus précisément. La personne mentionnait qu'on pouvait pas différencier des carrés des ronds. Et maintenant, on sait avec d'autres méthodes expérimentales où les abeilles sont mieux placées pour voir. En fait, elles voient beaucoup mieux lorsque les objets sont placés verticalement face à elles, donc elles peuvent les voir frontalement. Et dans ce cas-là, elles ont aucun problème pour différencier n'importe quelle forme. C'est qu'avant, en fait, on les posait au sol, et là, au sol, elles ont plus de mal à discriminer. De même pour les couleurs, elles ont une vision des couleurs très très fine, aussi fine que la nôtre, voire meilleure. C'est juste qu'elles ne voient pas exactement les mêmes. Un mot pour rappeler que l'étude des stratégies de communication qui sont fascinantes, parce que là, on va parler dans cette émission à la fois de la cognition des abeilles, on reviendra sur ce talent inné manifeste pour les mathématiques, mais on va aussi parler de la coordination et des différentes voies de communication pour que le groupe se coordonne et se coordonne en l'efficacité que l'on connaît de la ruche. Eh bien, ces stratégies de communication ont valu un prix Nobel à Carl von Frisch en 1973. Peut-être peut-on rappeler rapidement, si vous le voulez bien, Julie Carco, ce qu'est exactement de quoi on parle, que sont les abeilles, une petite fiche d'identité rapide, on pourrait dire nom, prénom, âge, qualité. Alors rapidement, tout le monde le sait, hein, les abeilles c'est un insecte hein, et elles font partie de l'ordre des hyménoptères. Donc dans cette famille, on peut retrouver également les fourmis ou les guêpes par exemple. Et après, il y a la grande famille des abeilles, donc notamment les anthophiles. Et dans cette grande famille, en fait, on peut trouver plus de 20 000 espèces. Donc c'est vrai que souvent, quand on parle aux gens des abeilles, tout le monde pense à l'abeille mellifère qui produit du miel. Mais en fait, ça c'est une espèce parmi plus de 20 000. Et en fait, dans cette grande famille des abeilles, il y en a plus de 90% qui sont solitaires, qui ne vivent pas en société, comme vous l'avez mentionné pour Apis mellifera. Et je pense que tout le monde dans son jardin ou dehors a déjà vu des abeilles solitaires. Typiquement, on peut parler du xylocope, qui est ce qu'on appelle l'abeille charpentière. C'est une grosse abeille noire qui fait beaucoup de bruit, qui impressionne beaucoup les enfants. Et il y a également les osmies, c'est des petites abeilles maçonnes. Et les gens, quand ils mettent des hôtels à insectes, souvent, c'est des osmies. Donc voilà, finalement, l'abeille mellifère, c'est une abeille qui est sociale, effectivement, mais parmi plus de 20 000 espèces, dont beaucoup sont solitaires. On peut rappeler, justement, Aurore Varg-Weber, ce lieu commun qui pense que eh bien, la pollinisation est réalisée par les abeilles, et on pense donc à Apis mellifera, mais pas du tout l'écrasante majorité de la pollinisation aujourd'hui est faite par les autres abeilles et par ces abeilles solitaires. Oui, l'abeille n'est qu'une abeille domestique. Du coup, moi, je l'appelle vraiment abeille domestique, puisqu'il faut se rendre compte que maintenant, elle a été quand même beaucoup domestiquée, cette abeille à miel. Et donc, c'est vrai que c'est une espèce parmi d'autres. Après, c'est vrai que dans certains écosystèmes, elle commence à être dominante, tout simplement parce que l'humain l'y place et la protège et la sauvegarde, là où les espèces locales ont parfois plus de mal. Donc, notamment dans les villes, etc., on a une grande dominance de l'abeille à miel. Mais effectivement, il y a beaucoup de fleurs qui ne peuvent pas être pollinisées par ces abeilles-là, qui doivent être pollinisées par d'autres abeilles ou d'autres insectes, et des plantes qui sont même pollinisées non pas par des insectes, mais effectivement par d'autres animaux, comme des petits mammifères, par exemple. Et on s'intéressera d'ailleurs tout à l'heure à l'abeille noire avec le reportage du jour. Nous, on va s'intéresser plutôt à Apis mellifera et à ses comportements sociaux, et on va essayer de comprendre comment ces colonies d'abeilles fonctionnent et quelles sont leurs capacités cognitives et de communication. Et vous allez voir que pour effectivement un tout petit hyménoptère avec un cerveau d'un millimètre cube, c'est assez vertigineux. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc de l'abeille comme insecte social tout au long de cette heure en compagnie de Julie Carco et d'Aurore Avargue-Weber. Peut-être qu'on peut repréciser, Aurore Avargue-Weber, qu'est-ce qu'on entend par espèce eusociale ? Oui, une espèce eusociale, donc c'est une espèce sociale, mais qui va au-delà de ça, c'est-à-dire que on a une séparation de la reproduction, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une femelle qui pond, donc la reine chez les abeilles, et que l'ensemble des autres femelles va faire des tâches collectives pour la colonie, mais ne peut pas se reproduire. Donc il y a une vraie division du travail qui va jusqu'à la reproduction. Il y a une division donc de la reproduction et un chevauchement des générations, c'est-à-dire que les ouvrières vont s'occuper des larves et donc jusqu'à la prochaine génération. Ce qui est passionnant dans cette organisation des abeilles, ce sont notamment la capacité auto-organisatrice de ces sociétés et de ces colonies. Julie Carco, on peut peut-être commencer par l'aspect hormonal, notamment comment les abeilles savent-elles ce qu'elles doivent faire, quel est leur rôle à un moment donné, étant entendu que ce rôle va évoluer au cours de leur vie. Quels sont les mécanismes qui vont déclencher finalement les prises de décision ? Alors si on peut parler, il va falloir faire attention à l'anthropomorphisme tout au long de cette heure, évidemment, mais comment finalement les abeilles savent-elles s'inscrire et se répartir les rôles dans cette organisation extrêmement efficace qu'est la ruche ? Tout à fait, vous l'avez mentionné, en fait, c'est une société très bien régulée, très bien coordonnée, et en fait, cette régulation, cette cohésion de la colonie, elle dépend évidemment alors de certaines hormones qui vont évoluer au cours de l'âge de l'abeille, mais également avec l'utilisation de phéromones, et ça c'est notamment nos thématiques de recherche au laboratoire, et en fait, l'utilisation des phéromones va permettre aux différents individus, notamment de savoir que faire à différents moments de la journée. Et typiquement, alors il y a différents types de phéromones, mais par exemple la reine, donc comme le mentionnait Aurore, le seul individu qui pond des œufs, eh bien elle va émettre une phéromone pour demander aux ouvrières de s'occuper d'elle, de prendre soin d'elle. De la même manière, le couvain, donc avec les larves, vont émettre des phéromones pour demander à se faire nourrir par les autres ouvrières. Et donc, tout ça, c'est régulé par l'utilisation de très nombreuses phéromones. Il y a plus de 50 composés phéromonaux et c'est certainement un des insectes qui utilise le plus de phéromones. Et puis, par ailleurs, il y a également, je vous le disais, les différentes hormones qui évoluent au cours de l'âge de l'abeille. Et ça va jouer sur ce qu'on appelle la division du travail et de savoir l'ouvrière, ce qu'elle doit faire comme tâche à un moment donné. Mais alors, on pourrait penser qu'effectivement tout ça est très bien ordonné finalement par des cycles phéromonaux ou hormonaux automatiques qui régulent la colonie ou la ruche, mais néanmoins en fait tout ça est très souple et très adaptable et très modifiable, c'est-à-dire que tout n'est pas programmé comme par un chronomètre, mais les abeilles s'adaptent aussi en fonction des stress du moment, des besoins. Il y a notamment, je crois, un certain nombre d'abeilles dans la ruche qui restent des abeilles neutres et qui peuvent être sélectionnées pour telle ou telle tâche en fonction des besoins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout cela, Aurore Avargue-Weber ? Oui, c'est parce qu'effectivement, comme il a été expliqué, l'abeille, au cours de sa vie, va avoir des changements hormonaux qui vont la rendre plus ou moins apte à telle ou telle tâche. Puisque du coup, il y a des glandes qui, par exemple, qui peuvent se développer, donc elle va être capable de faire de la cire. Ou alors, à d'autres moments, c'est d'autres glandes qui vont permettre de nourrir les larves, etc. Et lorsqu'elle est butineuse, elle a un cerveau plus développé, notamment la partie visuelle, qui lui permet de sortir de la ruche, de se repérer, etc. Néanmoins, au sein de ces castes, elles ont toujours la capacité de répondre à d'autres stimulations. Donc notamment, si je prends l'exemple de la butineuse, elle va être assez sensible aux besoins en nourriture de la ruche, bien évidemment. Mais néanmoins, supposons qu'il n'y ait absolument plus d'abeilles pour nourrir le couvain, une maladie ou quoi que ce soit. La phéromone que le couvain émet, elle va augmenter en concentration à tel point qu'une abeille qui est censée être nurse, s'occuper du couvain, elle est sensible à une très faible dose, pour tout de suite réagir. La butineuse n'y est pas sensible à ces doses-là, c'est pas son travail. Mais si la concentration augmente dans la ruche parce que personne s'occupe du couvain, on arrive à un tel niveau que même la butineuse, je prends le cas extrême, peut revenir s'occuper du couvain et petit à petit, d'un point de vue hormonal, elle va redevenir une nurse. Et donc ça marche pour toutes les cases. Si on, pour une raison ou une autre, il y a un besoin très important sur une tâche donnée, les abeilles qui sont proches, qui viennent de sortir de cette tâche ou qui vont bientôt y rentrer, vont avoir un changement hormonal pour tout de suite se différencier et pouvoir permettre de faire voilà, la tâche qui a un grand besoin à ce moment-là. On parle, je crois, de théorie des seuils, Julie Carco, c'est ça ? Seuil de réponse, bah, comme oui. Ça a été bien expliqué. Voilà, la nourrice, elle, réagit à de très faibles concentrations de phéromones de couvain, par exemple, alors que la butineuse, elle, ne réagit qu'à des seuils très hauts. Mais en fait, ces seuils, s'il y a beaucoup, beaucoup de phéromones dans la ruche, eh bien, ça va atteindre le seuil de la butineuse. Et là, elle va, du coup, répondre à ça pour aller nourrir le couvain. Et donc, c'est, voilà, cette théorie des seuils permet, en tout cas, permettrait en partie d'expliquer cette division du travail et d'expliquer cette orchestration au sein de la ruche. Alors il y a autre chose, on va revenir hein, sur vos travaux Julie Carco et sur les phéromones pour comprendre exactement ce que sont finalement ce langage et ces notes qui peuvent se combiner pour donner lieu à différents types de prises de décision. Mais justement, puisqu'on parle de prise de décision, comment Aurore Varg-Weber s'organise les choix collectifs, des choix importants comme par exemple la décision d'essaimer ou de choisir un nouveau site d'installation comment ça décide, c'est très intéressant ça aussi parce que on pourrait comparer ça à une certaine forme de démocratie ou de vote collectif. Expliquez-nous un peu comment ça marche. Ah, c'est la reine qui décide, bien sûr. Non, je plaisante. C'était. Mais alors, justement pas. Voilà, ça, c'était l'ancien régime. Exactement. La reine, il faudrait lui changer son nom et voilà, et l'appeler la mère, peut-être. Voilà, la grande mère de la colonie. Non, c'est effectivement une espèce d'auto-organisation. Donc, si on prend l'exemple, parce que c'est celui qui est le plus documenté et le plus intéressant, qui est justement lorsque les abeilles essaiment. Donc, en général, voilà, au printemps, lorsque elles ont beaucoup produit d'ouvrières, donc elles sont trop nombreuses pour la ruche, elles vont s'aimer, c'est-à-dire que l'ancienne reine va partir avec tout un tas d'ouvrières. Donc c'est assez impressionnant de les voir en vol et elles vont se poser un peu plus loin de la ruche, donc dans un arbre habituellement ou sur une cavité. Et là, il faut qu'elles trouvent du coup très rapidement une nouvelle ruche ou un nouveau site naturel, une cavité dans un arbre ou dans des roches pour pouvoir refaire une nouvelle colonie, une nouvelle ruche s'installer. C'est urgent puisque lorsqu'elles sont à l'extérieur, elles sont bien sûr très sensibles à la prédation, aux aléas climatiques, etc. Et donc là, les butineuses habituelles, qui connaissent un petit peu l'environnement, elles vont se mettre à explorer pour aller chercher des endroits qui peuvent être intéressants pour accueillir les seins. Et donc ça, je vous interromps rapidement, ce qui déclenche cette décision-là, ou en tout cas cet automatisme-là, oui. C'est le nombre d'individus dans la colonie. Et lorsque la densité est trop importante, elles commencent à faire des vibrations parce qu'elles se sentent voilà à l'étroit. On ne sait pas vraiment ce qui déclenche, mais clairement c'est un effet de densité. Et elles vont se mettre toutes à faire des vibrations, un son particulier hein, que l'on peut reconnaître si on est un peu attentif. Et lorsque voilà elles se synchronisent sur ce son et lorsqu'elles sont prêtes, elles vont toutes chanter en même temps. Et donc là, ça permet de synchroniser et de partir en même temps. Parce qu'il est important qu'elles partent pas quelques-unes par quelques-unes. Il faut qu'elles partent tous ensemble pour pouvoir se suivre et se retrouver pas très loin. Mais alors, une fois de plus, comment est décidée ou choisie celle qui part et celle qui reste ? Alors ça, c'est une grande question dans laquelle je n'ai pas la réponse. Il y a longtemps, on a longtemps pensé que c'était peut-être des histoires de demi-sœurs, parce que peut-être dans la ruche, vous savez qu'il y a une seule mère, mais par contre, il y a plusieurs pères. Et donc, les ouvrières peuvent avoir des pères différents. Et donc, on a pensé que voilà, elles pouvaient se regrouper selon ce patriline, mais il s'avérait que c'était pas toujours le cas. Et donc, moi, en tout cas, peut-être il y a des études qui m'ont échappé, mais moi, en tout cas, je ne connais pas la réponse de comment elles savent lesquelles doivent partir et lesquelles restent. Julie Carco, un indice sur cette question ? À ma connaissance, je crois que c'est encore un des mystères, en fait, un des nombreux mystères qui subsistent sur l'abeille, quoi. Alors, on sait que voilà, la densité, enfin la concentration de la phéromone de reine joue hein, sur l'essaimage, mais quelles sont celles qui partent, quelles sont celles qui restent ? Non, ça reste encore un peu mystérieux tout ça. Et alors, précisément sur la prise de décision, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui s'apparente à un vote majoritaire, Julie Carco ? Alors en fait, souvent quand par exemple la reine devient un petit peu vieille, donc elle émet moins de phéromones et on sent bien que elle est moins apte finalement à pondre du couvain. Là effectivement, une grande partie de la ruche décide d'essaimer pour élever une nouvelle reine et essayer de voilà de créer une nouvelle ruche avec une meilleure fitness, en meilleure forme. Mais le choix, en fait, ce choix-là, finalement, du lieu, par exemple, d'essaimage, il doit tenir en compte des individus qui n'ont qu'une connaissance partielle ou pas de connaissance du tout, d'autres individus qui préfèrent un autre lieu. Comment, là aussi, se décide finalement l'endroit où, bien d'un seul coup, une partie de la colonie va partir et va choisir finalement son nouveau lieu pour la ruche Aurora Varg-Weber? Oui, c'est là où c'est fascinant. Donc, c'est des études, voilà, principalement de Tom Stillet qui a fait une partie de sa carrière là-dessus. Et c'est passionnant. C'est que vous avez dit tout à l'heure que les abeilles pouvaient danser dans la ruche pour indiquer où trouver des fleurs. Mais elles peuvent aussi danser sur l'essaim. C'est-à-dire, voilà, elles ont trouvé une cavité qui paraît intéressante. Elles reviennent et elles dansent sur l'essaim. Donc, la danse en 8 pour indiquer la distance et la direction de cet endroit. Donc, les autres ouvrières les autres butineuses, qui sont à côté, elles vont aller voir elles-mêmes. Si elle trouve que c'est effectivement une zone qui paraît un endroit agréable et bien pour les accueillir, donc bien exposé, la bonne taille, etc. Elles vont revenir et se mettre à danser elles aussi. Donc il y a un effet comme ça de recrutement boule de neige. Voilà. Il y a donc de plus en plus d'abeilles qui dansent. Et ça c'est modulé assez finement puisque déjà chaque abeille lorsqu'elle voit la cavité, elle se fait une idée. Alors comment ? Je ne sais pas. Ça, mais si elle est bien dingue. Ou pas. Ouais. Et donc elle va danser plus ou moins longtemps. Pourquoi ? Parce que supposons qu'il n'y ait rien. Même quelque chose de pas terrible, c'est quand même mieux que rien. Donc, elle va quand même danser si elle trouve quelque chose. Mais juste, à part c'est une façon innée, je ne sais pas, elle sait que ce n'est pas terrible, donc elle danse peu de temps. Et donc, elle va recruter peu d'ouvrières. Et si à côté, il y a une butineuse qui a trouvé quelque chose de magnifique, bien sûr, elle va danser plus longtemps et recruter plus. Donc, cet effet boule de neige, comme vous dites, il est quand même assez subtil grâce à ça. De plus, il a pu montrer aussi, ce chercheur, que si jamais une abeille va danser pour un lieu qui n'est pas du tout satisfaisant, les abeilles qui vont voir, elles reviennent et elles l'en font taire. Donc, ce qu'on appelle le signal stop. C'est-à-dire, elles la tiennent par les mandibules, elles la secouent. Donc, et ça veut dire tais-toi. Donc, c'est une démocratie, mais quand même légèrement autoritaire. Voilà. Et donc, et après, à ce moment-là, il y a donc toutes ces abeilles qui dansent, chacune pour des sites différents, mais avec cet effet boule de neige, petit à petit, il y a une danse qui va prendre plus d'ampleur. Et à partir du moment où on n'attend pas 100%, sinon elle n'apprendrait jamais la décision, il y a une espèce de quorum, voilà. Pas à 50% chez les abeilles, plutôt à 70%, où là, celles qui n'ont pas la majorité, elles abandonnent la danse et elles se mettent à danser sur la danse majoritaire. Ouais. Donc là aussi, comment ce seuil de 70% est arrivé au cours de l'évolution et comment elles s'en rendent compte, on ne sait pas exactement, mais voilà, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a parlé de démocratie, puisque chaque voix compte, entre guillemets, et lorsqu'on arrive à un consensus à 70%, avec voilà tous les bémols que je vous ai mis sur l'aspect démocratie, on arrive du coup à une décision. Et c'est très efficace, elles choisissent en général vraiment toujours le meilleur lieu qu'il y a disponible dans les environs. Ça fait rêver d'une société humaine où on irait danser à 70% devant les bureaux de vote. Voilà. Mais ça, c'est une autre idée. Un mot, Julie Carco, parlez-nous un peu donc de ces phéromones. Aujourd'hui, on les connaît bien. Vous avez dit, il y en a une cinquantaine, avec certaines phéromones qui envoient des messages très nets, très particuliers, et puis des assemblages de phéromones, un peu une sorte de cuisine. Racontez-nous quels sont ces principes déjà chimiques et comment ça fonctionne. Alors tout à fait, en fait on les connaît depuis déjà quelques dizaines d'années. Il y a 50 composés, mais effectivement vous l'avez mentionné, en fait les phéromones c'est souvent un ensemble de composés qui vont induire un comportement. Et ces composés, ils sont très bien décrits d'un point de vue chimique, donc je vous disais depuis au moins quelques dizaines d'années, et on connaît bien leurs effets comportementaux, donc on sait si on donne ce mélange, eh bien, que les ouvrières vont s'occuper de la reine. Il y a donc également la phéromone, je le mentionnais tout à l'heure, la phéromone du couvain pour demander à ce que les ouvrières s'occupent du couvain des larves. Et puis il y a la phéromone par exemple d'alarme quand il y a un danger qui arrive, quand par exemple un frelon ou une guêpe arrive et commence à attaquer la colonie, eh bien certaines ouvrières vont émettre cette phéromone d'alarme pour prévenir les congénères qu'il faut défendre la colonie. Donc toutes ces phéromones, on les connaît plutôt bien d'un point de vue comportemental et chimique. Et en fait, ce que maintenant nous, on essaye un petit peu de déceler, d'essayer de comprendre, c'est comment l'abeille, quand elle sent cette phéromone, quand elle sent ces odeurs, arrive à comprendre le message biologique en fait. Et donc là, on essaye de comprendre au sein du cerveau ce qui se passe. Et est-ce qu'il y a une voie dédiée dans le cerveau qui, quand elle est activée, quand ces composés phéromonaux vont se lier au récepteur, va activer une voie spécifique et hop, induire un comportement bien stéréotypé? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et est-ce que c'est une stratégie évolutive un peu innovante? Et a priori, c'est plutôt le cas. Et en fait, comment elle arrive dans son cerveau, où se fait l'opération pour comprendre le message biologique? Et ça reste encore un des mystères, parce que je vous le disais, hein, l'abeille, c'est vraiment un des insectes qui utilise le plus de phéromones. Donc, et puis ce serait très coûteux finalement pour le cerveau de faire plein de voies spécifiques pour toutes ces phéromones. Donc voilà, on essaye de comprendre ça au laboratoire, comment elles arrivent à comprendre le message biologique de toutes ces phéromones. D'autant que ce sont des composés chimiques très distincts. Il y a des acides, il y a des alcools, il y a vraiment des choses concrètement très très très différentes en termes de composés chimiques. Tout à fait. Et puis alors, il y a même des composés phéromonaux qu'on retrouve dans les fleurs. Donc il faut aussi faire la part des choses et savoir que par exemple le citral ou le géraniol qui sent très très bon, eh bien quand il est sur une fleur, c'est simplement une odeur florale, mais quand il est mélangé à d'autres composés, bah c'est plutôt une phéromone d'agrégation. Et donc c'est en fait là tout le challenge pour nous chercheurs d'essayer de comprendre comment elle arrive à faire ça, et pour surtout pour elle d'essayer de comprendre eh bien que là il va falloir agir de cette manière ou avoir ce comportement stéréotypé. Il y a un composé qui a l'air d'être assez important. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un mot, qui s'appelle le 9-ODA? Tout à fait. Alors ça, c'est le composé majoritaire de la phéromone de reine. Et donc ça, on sait que donc c'est la reine qui émet ce composé d'une part pour que les ouvrières s'occupent d'elle, donc c'est face à ce qu'on appelle la cour de la reine, donc s'occupent d'elle, prennent soin d'elle. Une phéromone de cohésion. Tout à fait. Et puis également, dans le cadre de la reproduction, c'est un composé phéromonal qui est émis et qui attire les mâles abeilles. Donc en fait, la reproduction des abeilles se fait de manière un peu atypique. C'est ce que dans des endroits qu'on appelle des congrégations, donc des centaines de mâles se regroupent à des endroits un peu spécifiques. Et là, la reine arrive et en fait, elle relâche ce composé, le 9-ODA. Et donc ça, c'est un composé qui donc attire les mâles. Et donc, de nombreux mâles essayent après de se reproduire avec la reine. Et en général, dans ces vols nuptiaux, elle va s'accoupler avec une quinzaine de mâles grâce notamment à cette phéromone. Et donc ça, on connaît on commence à comprendre quel récepteur est activé par ce composé phéromonal, où est acheminé l'information dans le cerveau. Mais finalement, on a encore du mal à comprendre vraiment comment le comportement de l'abeille, la sortie comportementale. Aurore Avarg-Weber, peut-être un mot sur ce langage phéromonal dont on comprend certains tenants et certains aboutissants, mais qui nous échappe encore globalement dans la précision du langage qu'il permet de composer. Oui, c'est parce que c'est vrai que pour les chercheurs, c'est compliqué, puisque nous, on n'est quand même pas très doués avec les odeurs. Donc c'est vrai que finalement, chez les abeilles, la recherche sur la vision, finalement, a avancé un peu plus vite, en tout cas d'un point de vue comportemental, que l'olfaction, puisque pour nous, c'est un peu plus difficile. Et donc on remercie les chercheurs comme Julie, qui s'y mettent et qui essayent d'aller voir dans le cerveau. Mais effectivement, l'intérieur de la ruche est un mélange incroyable d'odeurs, et c'est vraiment une grosse question scientifique de comment l'abeille fait le tri dans toutes ces odeurs. On va continuer à parler des abeilles. Là, on vient de parler donc justement des phéromones. Vous allez voir qu'on va s'intéresser également à leur capacité cognitive qui passe par d'autres organes sensoriels, notamment des capacités mathématiques assez bluffantes. On va en parler dans quelques secondes musicales. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles, mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. Les abeilles de Bourville à 16h35. Puisque nous parlons donc, eh bien, ça tombe bien, des abeilles, en compagnie de Julie Carco, qui est maîtresse de conférence à l'Université Paris-Saclay, au laboratoire Évolution, Génome, Comportement, Écologie à l'Institut IDEV et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Aurore Avargue-Weber, chercheuse en éthologie cognitive et spécialiste de la cognition des abeilles au Centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. Alors, on ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, on va en dire un mot dans quelques minutes. Les abeilles sont en danger, notamment via l'impact des produits phytosanitaires sur leur capacité cognitive, mais également via la diminution de leur diversité générique. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Nicolas. Vous allez nous parler d'une sous-espèce de l'abeille mellifère. C'est l'abeille noire. Oui, l'abeille noire est une sous-espèce endémique en France et sa diversité génétique s'homogénéise. En cause, les hybridations, c'est-à-dire les accouplements avec d'autres sous-espèces d'abeilles. J'ai rencontré Hélène Legout, ingénieure d'études au CNRS dans le laboratoire Évolution, Génome, Comportement et écologie, duquel vous faites partie, Julie Carco. Hélène Legout travaille sur des marqueurs génétiques spécifiques de l'abeille noire. Le but est de pouvoir déterminer rapidement si on a affaire à une abeille noire, donc à une Apis mellifera mellifera ou à une toute autre sous-espèce. Et l'application principale de ces travaux est la mise en place de conservatoires, c'est-à-dire de zones protégées où elles peuvent repeupler les territoires tout en conservant leur diversité génétique naturelle et donc leur adaptation au climat. Donc ici, vous avez le rucher de l'Institut IDEV, qui compte à peu près une quinzaine de colonies. Donc nous, on travaille principalement sur la génétique de l'abeille et son adaptation, et plus particulièrement sur la conservation de l'abeille noire, qui est menacée de disparition. Cette abeille noire, Apis mellifera mellifera, est une des 26 sous-espèces de l'abeille mellifère Apis mellifera, et qui est endémique de nos régions, et donc bien adaptée. Et la principale problématique qui vous pousse à faire des recherches, c'est de voir qu'il y a une homogénéisation de la diversité génétique de ces abeilles-là. Alors, on a une homogénéisation effectivement des populations d'abeilles qui sont liées en fait aux hybridations, puisque ces 26 sous-espèces sont interfécondes. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de sauver cette abeille noire en protégeant sa génétique et donc tous ses caractères d'adaptation qu'elle a pu acquérir tout le long de ce million d'années, on va dire, puisqu'elle a quand même subi deux glaciations et elle a réussi donc à s'adapter. Donc, ce que vous recherchez, c'est des caractères génétiques précis pour pouvoir dire ceci est une abeille noire et ceci n'en est pas. Oui, alors on fait du génotypage en fait de ces populations d'abeilles pour déterminer s'il s'agit bien d'une abeille noire ou d'un hybride. Dans les conservatoires en fait, on essaye d'avoir des colonies qui sont les moins hybridées possibles et donc en tout cas qui ne dépassent pas 20% d'hybridation. Donc pour la mise en place de ces conservatoires d'abeilles noires, on va génotyper donc les colonies, et donc on va aller chercher à savoir dans cette génétique, donc dans l'ADN mitochondrial et l'ADN nucléaire, les hybridations qu'on peut observer, donc c'est-à-dire tous les gènes qui ne sont pas abeilles noires. On va pouvoir aller voir notre laboratoire de génétique, de biologie moléculaire. Donc là, vous avez le laboratoire de biologie moléculaire, donc dans lequel nous faisons les analyses génétiques. Et là, vous pouvez voir ici un échantillonnage des abeilles qu'on a récoltées sur le rucher conservatoire, et pour contrôler un petit peu si on a bien toujours de l'abeille noire. Et donc, c'est à partir de ces abeilles que vous pouvez voir dans ces tubes qu'on va faire une extraction d'ADN totale et analyser les marqueurs de l'ADN mitochondrial et de l'ADN nucléaire, donc les microsatellites. Et qu'est-ce qu'on va regarder précisément ? Qu'est-ce qui nous permet de faire la distinction entre le fait que ce soit bien une abeille noire avec sa diversité génétique conservée ou une autre espèce ? Alors, ce qu'on va regarder, donc on va regarder deux choses au niveau de l'ADN mitochondrial. Donc, il y a une variation, un polymorphisme de taille dans l'ADN mitochondrial, dans une zone intergénique entre deux gènes. Et cette variation de taille va nous donner l'haplotype de la colonie, donc le type maternel. Ensuite, on va aller regarder 14 locus microsatellites. Locus, c'est des zones particulières. Des zones particulières, tout à fait, dans l'ADN nucléaire. Et on va regarder, d'une part, un petit peu la diversité génétique qu'on a, et surtout rechercher des allèles diagnostiques de lignée, c'est-à-dire des allèles qui ne sont pas de l'abeille noire, pour calculer des niveaux d'hybridation. En fait, ces acquisitions de connaissances-là. Alors, ce qu'on met en place sur le terrain, c'est que toutes les abeilles qui ne répondent pas à un cahier des charges des conservatoires vont être éloignées des zones conservatoires, et on va favoriser donc des colonies qui n'ont pas de taux d'hybridation supérieur à 20%. Et l'idée de ces conservatoires, c'est d'installer des colonies, de faire des zones de protection. Et est-ce que régulièrement, vous allez justement tester génétiquement s'il n'y a pas eu d'hybridation ou si elle conserve cette diversité génétique ? Oui, notre laboratoire a aussi une vocation de soutien scientifique et de suivi en fait de ces conservatoires en contrôlant régulièrement la génétique de ces abeilles. Et quels sont vos prochains projets ou vos perspectives en fait autour de ces travaux sur la diversité génétique ? Alors, notre perspective, on va dire la plus proche, serait de comprendre pourquoi dans le polymorphisme de taille de l'ADN mitochondrial, on observe en fait une adaptation en fonction de la température et du climat. Et en fait, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de comprendre cette adaptation de l'abeille noire qu'elle a développée depuis tant d'années. Voilà ce reportage sur l'abeille noire. On reviendra dans quelques minutes sur cette question de diversité génétique et de baisse des populations d'abeilles. Mais j'aimerais avant cela qu'on en vienne aux capacités cognitives des abeilles. On le rappelle, hein, le cerveau de l'abeille fait environ 1 mm cube. Il contient moins d'un million de neurones. Le cerveau humain, c'est 86, 89, 90 milliards. L'une des grandes énigmes, Julie Carco, ça a été notamment la question de leur carte cognitive, c'est-à-dire comment font les abeilles pour se repérer et pour être capables d'avoir finalement de cartographier tout un territoire autour de la ruche. Elles peuvent faire jusqu'à 10 km par jour. Quels sont justement les sens qui lui permettent de trouver leur chemin dans l'espace de manière aussi précise ? Tout à fait. Ben, ça reste fascinant en fait de voir la faculté qu'elle a à naviguer et à retrouver toujours sa ruche, qu'elle aille dans différents endroits. Et en fait, on sait qu'elle a une très bonne vision. Et elle arrive donc, vous le mentionnez, à aller jusqu'à 10 km. Et elle utilise notamment le soleil, en fait, et des traces, la lumière, ce qu'on appelle la lumière polarisée. Donc, dans le ciel, il y a des traces UV que nous, on ne voit pas, mais qu'elle, elle voit très bien. Et elle arrive notamment à s'orienter grâce au soleil et à retrouver, grâce à sa très bonne vision, en tout cas une orientation. Et puis, à court terme, disons, quand elle devient proche de sa ruche, là, elle va plutôt utiliser l'olfaction pour savoir quelle est sa ruche et où elle est, et pour finalement ne pas se tromper de ruche et rentrer bien dans sa propre maison, disons. Aurore Avarg-Weber, on a longtemps pensé que il y a quelque chose d'assez fascinant, parce que j'essaie de faire le lien finalement entre cette notion de carte et les capacités cognitives des abeilles. On l'a dit et on va y revenir, des capacités cognitives et notamment mathématiques assez sidérantes. Et il y a un problème bien connu en mathématiques, qui est ce qu'on appelle le problème du voyage de commerce, qui est un des problèmes les plus complexes à résoudre, pour lequel notamment on développe l'ordinateur quantique, c'est de dire s'il faut beaucoup de puissance de calcul qui consiste, c'est-à-dire, si on prend X points sur une carte, quel est le trajet le plus court pour relier les points entre eux et donc pour économiser le plus de trajets. Eh bien, ce problème du voyageur de commerce, l'abeille sait le résoudre. Oui, ça a été fait principalement avec des études sur le bourdon, qui est une autre espèce d'abeille, voilà, assez proche, et où effectivement les chercheurs ont montré que, parce que normalement, voilà, on ne connaît pas d'algorithme, c'est un problème non résolu des mathématiques, de trouver un algorithme qui permettrait de trouver la solution sans essayer toutes les options. Voilà. C'est qu'en fait, voilà, c'est pour ça qu'il faut des gros calculateurs, parce qu'ils essayent toutes les options. Et en fait, ce qu'ils montrent, c'est que, ben, donc ces abeilles, là, ces bourdons, en fait, en quelques essais, 10, 15, ils arrivent effectivement à repérer, donc imaginez un champ d'à peu près voilà 1 kilomètre d'envergure où ils ont posé des fleurs artificielles pour pouvoir bien suivre. Ils ont enlevé toutes les autres types de fleurs et donc le bourdon sort. Il ne sait évidemment pas où trouver de la nourriture. Il va trouver la première fleur, mais il ne la voit, en fait elles sont assez petites, donc il ne peut la voir qu'à une distance de 1 ou 2 mètres. Donc bien sûr il cherche au hasard et donc voilà, il voit que la première fois ben il en trouve 1 ou 2, il se perd, il fait plusieurs fois la même, et en fait très vite au cours du temps il se met non seulement à trouver un chemin optimal, mais effectivement à aller en ligne droite d'une fleur à l'autre, toujours faire le même chemin. Et si jamais, voilà, les chercheurs s'amusent à enlever une fleur sur le chemin, bah effectivement, il va chercher à l'endroit où elle était, puis il va passer à la suivante. Et donc c'est extrêmement efficace. Donc ça se fait un peu par essai-erreur, mais effectivement, ce genre de capacité, plus le fait que les abeilles soient capables de faire des raccourcis entre deux zones qu'elles connaissent, elles ont l'habitude d'aller de la ruche à un point A ou de la ruche à un point B. Et si pour une raison ou pour une autre, elles vont en A et il y a plus de nectar, les fleurs, eh ben, peuvent aller directement en B, même si elles n'ont jamais fait ce chemin avant. Donc ça, plus cette histoire de voyageurs du commerce, c'est tous des arguments pour, en faveur de l'idée qu'elles auraient une carte cognitive, c'est-à-dire vraiment dans le cerveau des neurones qui représentent les différentes zones de leur environnement, et pour qu'elles sachent toujours où aller, et elles capables de mettre du coup en relatif les différentes zones de leur environnement. Mais ça reste encore débattu, puisque ça n'a pas été montré au niveau de neurones, contrairement à chez le rongeur notamment, où c'est vraiment montré expérimentalement que tout comme nous, il a une carte cognitive avec des neurones qui répondent, des cellules de lieu, on appelle ça, qui répondent à des zones spécifiques dans l'environnement. Ça n'a pas été encore démontré chez l'abeille, et puis il y a toujours des méthodes, des explications qui pourraient être alternatives, mais néanmoins, en termes du comportement, c'est extrêmement subtil et sophistiqué. Et se pose également la question de la mémoire à court ou à long terme chez l'abeille, Agatha Varg-Weber. Oui, alors la mémoire chez l'abeille, alors c'est vrai que l'abeille, parce qu'on étudie principalement des butineuses, hein, parce que ce sont elles qui ont les meilleures capacités d'apprentissage, et puis surtout à elles on a accès plus facilement, puisqu'elles sortent de la ruche. Et donc ces butineuses, en fait, une fois qu'elles sortent, en général, elles ne vivent plus que 2 semaines. Donc on sait que leur mémoire dure 2 semaines, voilà, mais bon, est-ce que c'est beaucoup ou pas? En tout cas, elles vivent au moins toute leur durée. Lorsqu'on leur apprend une tâche, par exemple, voilà, qu'une fleur donnée tient du récompense, elles peuvent se rappeler pendant 2 semaines. Par contre, effectivement, leur mémoire de travail à court terme, elle a été montrée qu'elle n'était que de quelques secondes. Donc ça, c'est quand même une limite que nous n'avons pas. Nous, on peut se rappeler plus longtemps quelque chose en mémoire de travail. Et ça, voilà, c'est montré avec des protocoles où, par exemple, l'abeille voit quelque chose à l'entrée d'un labyrinthe. On appelle ça un labyrinthe, mais c'est un Y finalement. Elle rentre et elle a le choix après entre 2 images. Donc à l'entrée, elle voit une image, par exemple un rond bleu, et on lui apprend qu'elle doit choisir l'image identique à ce rond bleu. Donc c'est voilà le concept d'identité. Donc ça, c'est une tâche en soi extrêmement complexe. Mais c'est pas la question, c'est que du coup l'abeille arrive à faire ça. Sauf que les chercheurs, ils ont allongé la longueur du tunnel d'entrée, ce qui fait que normalement elle met 2 secondes entre l'entrée et le choix. Et ils ont allongé la longueur et ils ont vu que à partir du moment où on dépassait 8 à 10 secondes, en fait l'abeille n'arrive plus à faire la tâche. Et donc ils en ont déduit, je trouve que c'est une démonstration assez élégante, que sa mémoire de travail ne durait pas plus longtemps. Elle n'arrive plus à se rappeler ce qu'elle a vu à l'entrée si le trajet dure plus que 10 secondes. Mmh. C'est passionnant. Un mot peut-être, Julie Carco, sur cette notion de carte cognitive et finalement d'apprentissage ou de conception ou de surcouche mathématique finalement dans la perception de l'environnement. Si on peut appeler tout à fait, ça. Oui, c'est passionnant. C'est quand on se rend quand même compte qu'elle a un tout petit cerveau, on l'a mentionné plusieurs fois, mais d'un petit millimètre cube, de voir qu'elle arrive à finalement à extrapoler et à, si elle ne connaît que deux chemins pour aller au point A ou au point B et qu'elle arrive à passer de A à B avec son tout petit cerveau, elle arrive à avoir des capacités impressionnantes. Et de la même manière, elle arrive quand même à retenir des informations tout au long de sa vie. Alors évidemment, sa vie est plutôt courte, notamment en été. Alors c'est pas le cas des abeilles d'hiver, hein, mais pour les abeilles d'été, effectivement, elles vivent 3 semaines à peu près. Et de voir qu'elles arrivent à se souvenir d'informations finalement tout au cours de leur vie, ça reste fascinant. Aurore Varg-Weber, un mot peut-être sur toutes ces expériences que je mentionnais tout à l'heure en tout début d'émission, la publication du 29 avril dernier qui montre que les abeilles peuvent faire la différence entre les nombres pairs et impairs, qu'elles comprennent, alors il faut mettre évidemment beaucoup de guillemets autour de la notion de comprendre, mais en tout cas que le zéro est quelque chose, est un concept qu'elles peuvent intégrer. Comment est-ce que on comprend ces capacités mathématiques à l'aune bien de la vie de la ruche ou de la vie peut-être également des abeilles solitaires? Comment est-ce qu'on fait le lien entre ces capacités mathématiques et leur évolution dans leur environnement? C'est vrai que l'abeille à mai, l'abeille domestique, est devenue un vrai modèle en cognition animale, puisqu'on sait très bien travailler avec elle, des générations de chercheurs s'y sont mis, et on découvre de façon vraiment étonnante, depuis une quinzaine d'années, leurs capacités, elles sont vraiment souvent parallèles à celles de primates sur beaucoup de points. Et donc ça vraiment remet en cause, philosophiquement, la définition de l'intelligence, son lien avec la taille du cerveau, et que finalement ces capacités ne seraient peut-être pas si complexes. Et donc ça, c'est vrai, c'est la chose sur laquelle je travaille maintenant depuis effectivement une dizaine d'années, où j'essaye de faire des liens de quelle est la spécificité de l'abeille finalement. Est-ce que elle est capable de faire ses tâches de la même façon que le cerveau de primate ou pas, donc en termes de comportement bien sûr, et pourquoi. Et en fait, c'est ce qui est fascinant cette histoire, c'est que on trouve énormément de convergences. Je m'explique, c'est-à-dire que l'abeille et les primates et nous, on a un ancêtre commun extrêmement éloigné. C'était certainement un espèce de ver aquatique qui avait juste une perception de luminosité, mais c'est tout. Donc tout ce qui est cognition complexe, donc intelligence si je simplifie, ne se retrouvait pas chez cet ancêtre commun. Donc c'est une évolution totalement indépendante. Et malgré le fait qu'on ait cette évolution indépendante, je n'arrête pas de trouver des convergences. Donc que ce soit sur les mathématiques, voilà, pour venir à votre point, sur les mathématiques, vous disiez tout à l'heure que les abeilles savent compter jusqu'à 5, et ben c'est la même limite que l'on a nous aussi. Je m'explique, on a cette limite si on n'a pas la possibilité d'utiliser des mots et de compter 1, 2, 3, etc. Là, on peut monter, bien sûr, à l'infini si on a appris à compter. Mais si on nous présente un set d'objets suffisamment rapidement pour qu'on ne puisse pas utiliser ça, ou si on est un enfant avant l'âge de parler, notre limite, elle est à 5 aussi. C'est-à-dire que, imaginez une image avec 7 objets dessus, ce sera très difficile de instinctivement dire oui. Ah ben il y en a 7 et pas 8. Alors que 3 ou 4, oui. Et j'ai oublié de préciser d'ailleurs, Aurore Varg-Weber, que vous êtes co-autrice de cet auteur sur la parité du qui a été publié le 29 avril dernier que je mentionnais. Julie Carco, vous vouliez réagir également? Je voulais simplement rebondir sur ce qui a été dit. Et en fait, de très très nombreuses études sont faites sur l'abeille domestique, parce que pour des raisons aussi de simplicité, on a la ruche, c'est plus simple d'avoir de nombreux individus à côté. Mais en fait, pour répondre à des questions notamment évolutives, il serait très intéressant de voir si les abeilles solitaires, alors comme celles que je mentionnais par exemple en début d'émission, comme les osmies ou les xylocopes, voir quelles sont leurs capacités cognitives et essayer de comprendre si finalement ces capacités cognitives d'ordre supérieur sont réservés aux abeilles sociales ou pas. Est-ce que également on peut trouver ça chez les abeilles solitaires, et est-ce qu'il y a un lien évidemment avec la socialité? Excellente question, Varg-Weber. Est-ce que cette intelligence, alors encore une fois on fait très attention au terme d'intelligence, mais en tout cas est-ce que ces capacités cognitives de l'abeille sociale procèdent d'une certaine manière de l'organisation sociale et donc de la complexité de l'organisation du groupe, ou est-ce que c'est une qualité qui est indépendante de cela? On n'a pas encore tout à fait la réponse, mais ce qui est quelque chose d'intéressant, c'est que le cerveau de l'abeille a une zone qui est particulièrement développée, qui est justement la zone d'intégration, donc l'équivalent, si on simplifie, de notre cortex préfrontal. Ça s'appelle les corps en champignons. Ils sont particulièrement développés chez l'abeille et chez les insectes sociaux. Donc longtemps, on a eu l'idée que c'est un peu comme chez les primates, ça serait une espèce d'intelligence sociale. Le fait de vivre en groupe aurait développé le cerveau et développé l'intelligence. Or, on sait maintenant que les ancêtres de ces insectes sociaux, des espèces de guêpes parasitoïdes, donc qui ne sont pas sociales, mais qui ont des défis de navigation à résoudre, puisque ces guêpes-là, elles vont creuser des endroits où elles mettent des larves, à différents endroits. Donc elles ont une espèce de différents nids et elles doivent aller nourrir ces larves. Et donc elles chassent des proies et elles vont les mettre dans ces différents nids. Et donc elles doivent se rappeler la localisation de ces nids et aussi se rappeler quelle quantité elle a donné à chacune des larves, puisque si c'est une petite proie, il faut en redonner. Si c'est une grosse, c'est pas la peine. Et donc il y a une cognition sociale spatiale, très importante. Et on voit que les cerveaux de ces insectes-là sont aussi très développés. Donc maintenant, on lit la théorie actuelle, mais c'est juste basé sur de l'anatomie, serait que finalement, c'est cette navigation spatiale qui aurait entraîné le développement du cerveau et l'intelligence, et que peut-être c'est grâce à cela qu'elles ont pu être sociales par la suite. Puisqu'en fait, on n'a pas de cas, à part les termites, mais c'est particulier, on n'a pas de cas d'insectes sociaux qui ne viendraient pas de cette lignée-là. Par contre, il y a eu des évolutions, des socialités qui sont apparues de façon indépendante. Donc il y a les cas des abeilles, mais les fourmis c'est un autre chemin, les guêpes encore un autre chemin. Donc c'est indépendamment, il y a eu de la socialité qui s'est développée, mais probablement à partir de cet ancêtre commun qui avait déjà un cerveau développé. Un mot rapidement aussi sur cette question, Aurore Varghe-Weber. Vous dites que dans vos études, vous assistez à des comportements qui pourraient s'apparenter à de l'émotion. Alors on fait, bien entendu, on remet la précaution épistémique sur l'anthropomorphisme, mais tout de même, vous pouvez nous dire rapidement un mot là-dessus ? Oui, alors c'est... Tout simplement, c'est que sur l'ensemble des découvertes, donc il y a voilà la capacité à compter, etc. Il y a aussi du coup l'intelligence sociale, la capacité d'apprendre des autres. Tout ça, en fait, on redécouvre finalement que les insectes sont confrontés aux mêmes problèmes que nous. Et l'émotion, c'est quoi quand on y réfléchit ? C'est le fait d'avoir un changement à la fois physiologique et de comportement relativement long suite à un épisode très important. Donc que ce soit quelque chose de grave, un stress, quelque chose de négatif fort, ou au contraire, quelque chose de positif. Et donc, c'est adaptatif, évidemment, que si on se fait attaquer, il est important de pouvoir se cacher et rester calme, ou au contraire, d'avoir un choc adrénalique pour courir, suivant la situation, mais donc, d'avoir un changement sur le moyen terme. Et donc, c'est ce qu'on appelle une émotion. Par contre, comme vous disiez le terme anthropomorphique, nous, dans émotion, on met plein d'autres choses, parce que bien sûr, il y a aussi un état mental. Et ça, on ne peut absolument pas le tester chez l'abeille. Mais il y a quelque chose qui est très spécifique des émotions, en termes de comportement, c'est le fait de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, ce qu'on appelle un biais de jugement cognitif. Lorsque l'on est déprimé, stressé, on a tendance à voir une situation neutre comme négative. À l'inverse, lorsque l'on est dans une émotion positive, très joyeuse, on voit une situation neutre comme positive. Et ça, c'est utilisé dans le bien-être animal, pour tester dans les animaux d'élevage, notamment s'ils sont stressés ou s'ils ont un bien-être satisfaisant. Et donc, le test consiste à quoi ? On a, par exemple, une couleur, je veux dire bleue, qui est positif associé à une récompense, et on a du jaune qui, au contraire, négatif associé à une punition. Que fait-on face au vert ? Donc un mélange de bleu et de jaune. C'est neutre, mais suivant notre niveau émotionnel, que ce soit négatif ou positif, on va avoir tendance à le voir comme quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Et donc ça, c'est généralisé chez tous les mammifères. Et donc l'abeille, c'est la même chose qui a été faite, à la fois pour des émotions positives et négatives, et on retrouve le même type de comportement. Elles vont aller plus vers ce stimulus neutre si elles viennent de trouver du sucre alors qu'elles s'y attendaient pas, ce qu'on apparente à quelque chose de positif, ou au contraire, si elles viennent d'être... secoué ou coincé, enfin quelque chose de négatif, mais qui ne les blesse pas, là, elles vont éviter ce stimulus neutre. Donc on a la même chose en termes de comportement, mais bien sûr, on n'a pas les mêmes hormones, on n'a pas la même zone du cerveau qui est activée, le cerveau n'a rien à voir avec le cerveau du mammifère, donc on peut pas aller plus loin et prêter un état mental, bien sûr, à ces insectes. Mais en tout cas, d'un point de vue adaptatif, elles ont cette possibilité de s'adapter à un événement fort. Et puis, on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder cette question, mais notamment sur l'influence d'un certain nombre de pesticides dont on sait que bien, ces pesticides interfèrent directement avec ces capacités cognitives, ce qui explique le syndrome de déclin des ruches et notamment la chute des populations d'abeilles. Ce sera pour une autre émission. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci Julie Carco, merci Aurore Varghe-Weber d'avoir été avec nous pour nous parler de la cognition des abeilles. Merci à nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse pour le duplex. La méthode scientifique, c'est Eve Etienne, Amel Boucherque, Alexandra Delbo, Céline Lozé,